glisser, glisser, glisser. Laissez, laissez glisser, glisser sur ton corps, un substitut, laissez, laissez effleurer. Effleurer ta peau, si cela ne gêne pas, si cela parcours sous ton corps, défiant les théories mises en pratique conformément au bien. Bien qu'il suppose, sans immerger, sans submerger, jusqu'à l'overdose, laissez, laissez glisser, laissez. Laissez effleurer sur ton corps un substitut de moi, sur ta peau si cela ne gêne pas, à parcourir ton corps. Jusqu'à l'overdose, pleurer. Laissez glisser. Laissez un substitut de moi. Laissez défiler. Laissez sous-immerger. Laissez jusqu'à l'overdose.